présente. Avant de toucher ma cible, il faudra me tuer, peu importe la couleur. Tony sans salarié ouvert, le double R&B couleur. On est grand, le double R&B couleur. On est grand, je ne coopère pas sous la couleur. J'suis tellement loin dans les bails noirs, très noirs, t'as Illuminati. J'l'armais jusqu'à là, je dors comme si j'fais de la mimimati. Sont tous des collabos dans l'industrie, moi j'suis dans le maquis. J'ai 06 en John Rambo, mon char d'argent, on va les parquer. Ils vont brûler des cierges, ils vont brûler des cierges, moi j'allume un cigare gros. J'vais les fumer, les fumer, les fumer, comme dans les rues de Chicago. C'est la formule, leur pupille se dilate, pas besoin d'aller chez Tripago. J'ai caché mon magot de pirate, entre Key West et Key Largo. Tu crèves ou tu marches, pas les couilles de monter les marches. Mon équipe laisse tomber les masques, pas dans l'équipe pour faire tomber les masques. LVMH, LVMH. Tabé, Arno, mucho dinero, José, Arno. J'ai Al Pacino à mon derrière. Et les sacs dans le merco et mon terrier. Tu crois que c'est un jeu? C'est un kéké. En première porte sera la dernière. J'en serai pas là sans tous mes négros. J'te fume des spics comme 100 000 euros. En spécialité leur vie c'est dans le chimio comme Candeloro. Le game je l'ai niqué. On entend moi sa grande gueule. J'ai perdu mon rôle sur un combat. Je n'en ferai jamais le deuil. On est gros, on est gros. On est gros, on est gros. On est gros, on est gros. On est gros, on est gros. On est gros. On porte nos couilles, toi tu portes l'œil. Alias de BNJ pas dans un portefeuille. J'emporterai pas dans mon cercueil. 9 mm quand je ferme l'œil. Enfer à Gamos dans le dernier Gamos. Jet privé au Mexique pour un tacos. Ils ne remplissent que le Bataclan. Leur fanbase tient dans la boîte à gants. J'ai Al Pacino à mon derrière. Et les sacs dans le merco et mon derrière. Où y'a plus de négro, c'est la terre. Ma première parole sera la dernière. J'ai perdu des gros et l'auto, j'pèse comme les 6 chiffres du loto. Quelques négros à terre, il n'a parlé qu'une seule moto. J'suis un bras côté d'éliminé, à qui j'fais la guerre, faudra qu'il meure. J'suis pas haut comme Teddy Riner, j'suis sous ton balcon comme Val Kilmer. Faudra me tuer, il faudra me tuer. Faudra me tuer, faudra me tuer.